Le surlendemain, à 4h30 du matin, au moment où le comte Steinbock dormait du plus profond sommeil, il entendit frapper à la porte de sa mansarde. Il alla ouvrir et vit entrer deux hommes mal vêtus, accompagnés d'un troisième, dont l'habillement annonçait un huissier malheureux. « Vous êtes monsieur Wenceslas, comte Steinbock ?» lui dit ce dernier. « Oui, monsieur. Je me nomme Grasset, monsieur, successeur de monsieur Louchard, garde du commerce. « Eh bien, vous êtes arrêté, monsieur. Il faut nous suivre à la prison de Clichy. Veuillez vous habiller. Nous y avons mis des formes, comme vous voyez. Je n'ai point pris de garde municipale et il y a un fiacre en bas. « Vous êtes emballé proprement, dit un des recors. Aussi comptons-nous sur votre générosité. » Steinbock s'habilla, descendit l'escalier, tenu sous chaque bras par un recors. Il fut mis en fiacre, le cocher partit sans ordre et en homme qui sait où aller. En une demi-heure, le pauvre étranger se trouva bien et dûment écroué sans avoir fait une réclamation, tant était grande sa surprise.